L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On termine cette semaine chargée pour la recherche en astrophysique par une dernière découverte marquante qui a été présentée à Seattle lors du meeting de l'American Astronomical Society, celle d'un pulsar qui a disparu, entre guillemets, à cause de la déformation de l'espace-temps. C'est une équipe internationale regroupant des astrophysiciens hollandais, canadiens, américains, français et anglais qui a fait cette observation. Un pulsar est un résidu d'étoile ayant explosé. C'est une étoile à neutrons, une masse de l'ordre de 1,4 masse solaire, pas plus grosse qu'une dizaine de kilomètres de diamètre. Les pulsars sont magnétisés et émettent ainsi des ondes radio en fin faisceau centré sur leur pôle magnétique, qui diffère de leur pôle géographique. Comme ils tournent sur eux-mêmes à grande vitesse autour de leur axe de rotation, qui diffère de leur axe magnétique, on détecte leur signal radio sous forme de pulsation, d'où leur nom, qui a la fréquence de leur rotation sur eux-mêmes, pour peu que la Terre se trouve dans la zone balayée par le faisceau radio. Un pulsar normal n'a aucune raison de voir son orientation modifiée au cours du temps, surtout avec des vitesses de rotation pareilles. Lorsque l'on détecte la pulsation d'un pulsar, on s'attend donc à toujours le voir. Mais ce qui a stupéfait les astrophysiciens avec ce pulsar nommé J1906+0746, c'est qu'ils ont observé que l'intensité de son émission radio décroissait de plus en plus au fur et à mesure des années, jusqu'à disparaître complètement au bout de 5 ans d'observation continue. Son intensité a décru comme si l'axe de rotation du pulsar bougeait lentement, produisant de fait un décalage du faisceau radio balayant la Terre, jusqu'à ce que ce dernier passe à côté de la Terre, ne nous permettant plus de le voir. Ce qu'ont montré les astrophysiciens menés par le néerlandais Jerry van Leeuwen du Netherlands Institute for Radio Astronomy, c'est que J1906+0746 n'est pas un pulsar comme les autres. Il fait partie d'un système binaire de deux pulsars en rotation l'un autour de l'autre. Ils ont pu mesurer la masse des deux objets et leurs caractéristiques orbitales. 1,29 masse solaire pour J1906+0746 et 1,32 masse solaire pour son compagnon qui, lui, ne produit aucun rayonnement détectable. Ils se tournent autour l'un de l'autre en 3,98 heures, très exactement, ce qui représente le second système de ce type le plus rapide jamais observé. Les deux étoiles à neutrons ne sont séparées que par une distance d'environ 1,5 million de kilomètres, soit le diamètre de notre Soleil, une distance minuscule. L'équipe d'astrophysiciens a scruté ce système durant 5 années consécutives à l'aide des grands radiotélescopes, notamment celui d'Arecibo. Ils ont ainsi enregistré 1 milliard de rotations de J1906+0746 qui tourne sur lui-même à raison de 7 fois par seconde. C'est ainsi qu'ils ont pu déterminer avec une grande précision les interactions gravitationnelles existant entre les deux objets compacts. C'est cette compacité extrême des étoiles à neutrons qui produit des effets remarquables de distorsion de l'espace-temps. La maille de l'espace-temps est fortement déformée à proximité d'un tel objet. L'un des effets prédits par la relativité générale est une précession de l'axe de rotation de l'objet en orbite. Et c'est ce qu'ont pu observer Jerry van Leeuwen et ses collègues. L'axe de rotation de J1906+0746 se décale de 2 degrés par an, un décalage produit par le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons compagne. Pour visualiser ce phénomène, regardez cette courte animation produite par l'auteur de l'étude, où pour comprendre comment le faisceau du pulsar change de direction, il augmente la masse de l'étoile compagne et regarde l'effet produit sur l'espace-temps et induit sur la rotation du pulsar. Aujourd'hui, le faisceau radio de J1906+0746 passe donc à côté de la Terre, mais les astrophysiciens ont calculé que le champ gravitationnel du système binaire étant relativement constant à moyen terme, nous devrions voir réapparaître le pulsar J1906+0746 en 2170. L'article est paru dans The Astrophysical Journal du 8 janvier 2015 sous le titre The Binary Companion of Young Relativistic Pulsar J1906+0746. À très bientôt sur Ça se passe là-haut et restez à l'écoute www.ça se passe là-haut.fr.